France, l'éclat de rire, par Raoul de Najac. Tandis que le printemps de l'année 1636 couvre de fleurs les pommiers normands, assis dans son fauteuil, Monsieur de Paille, dont le château s'élève aux environs de Bayeux, regarde les mouches voler. Monsieur de Paille est très malade. Les plats sucrés, il les trouve amers. Les contes divertissants, il les trouve ennuyeux. Les visages agréables, il les trouve laids. Il ferme sa porte à ses amis. Il laisse ses chiens au chenil, ses chevaux à l'écurie. Ce qui ne lui est pas antipathique, lui est indifférent. Il ne rit plus. L'état de son mari désole Madame de Paille, qui fait quérir les docteurs Onos et Ancaire. Après force citations grecques et latines, ceux-ci déclarent que Monsieur de Paille est hypochondriaque. « Il a, dit Onos, l'intérieur du corps rempli d'humeur noire. Il a, dit Ancaire, le foie beaucoup trop gros. Quelques pilules d'aloès expulseront ces humeurs noires, ajoute Onos. Quelques saignées pratiquées dans la région du foie rapetisseront cet organe, ajoute Ancaire. Hélas, ni les pilules prescrites par Onos, ni les saignées prescrites par Ancaire ne guérissent Monsieur de Paille. Un jour que les deux médecins se rendaient au château, une dame parut soudain devant eux. Cette dame était si frêle, si délicate, si légère, que la moindre brise la déplaçait. Elle avait la plus charmante figure du monde, de grands yeux azurés, une bouche qui rappelait un frais bouton de rose, des perles en guise de quenotte, une chevelure composée de fils d'or, un petit nez. Ah, qu'il était joli, son petit nez! En outre, elle avait deux ailes diaphanes qui lui donnaient la mine d'une gigantesque libellule. Sa robe, dont le tissu était impalpable, avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pétales de lys formaient sa collerette et parfumaient l'air environnant. Le cuir de ses mules se dissimulait sous une broderie de saphirs, de topazes, de rubis, d'opales et de diamants. Dès qu'ils la virent, les deux médecins s'arrêtèrent, fort surpris. « Je suis, leur dit-elle, la fée Quintessence, et je viens vous demander si vous espérez guérir Monsieur de Paille. » À ces mots, Onos et Ancaire se découvrirent et saluèrent la fée le plus bas qu'ils purent. « Monsieur de Paille est bien malade, répondit Onos. Ses humeurs noires résistent à mes pilules. » « Monsieur de Paille est bien malade, répondit Ancaire. Mes saignées n'ont pas d'action sur son foie. »« Moi, dit la fée, je sais quelqu'un qui guérira Monsieur de Paille. Faites-nous le connaître. Volontiers, donnez-moi la main afin que je vous mène dans mon palais où il ne tardera pas à venir. » Et les deux médecins, entraînés par la fée, quittèrent le sol et montèrent vers le ciel bleu. Le palais de la fée Quintessence est une étoile filante. Promenez-vous par une tiède soirée d'été et regardez au-dessus de votre tête. Du firmament jaillira une grosse étincelle que vous perdrez de vue avant d'avoir eu le temps de vous écrier « Voilà le palais de la fée Quintessence !» Ce palais a, paraît-il, des escaliers en lapis-lazuli, des parquets en nacre, des murs en corail, des plafonds en ambre. La fée introduisit ses compagnons dans la salle à manger et leur offrit une légère collation. Trois pages, vêtues de soie bleue brochée d'or, firent le service. L'un passa une brioche exquise, l'autre une suave marmelade de reine Claude, le dernier du vin de Chypre plus vieux que Mathusalem. Sous l'influence de ce vin, Onos éprouve le besoin de critiquer Galien, qu'Ancaire admire, et en sert de mépriser Hippocrate, dont Onos s'est entiché. Quand ils ont dépensé toutes les ressources que leur fournissait leur éloquence naturelle, ils puisent de nouveaux arguments dans la vigueur de leurs poings. Les trois pages s'efforcent de garder leur sérieux. L'un d'eux finit par éclater de rire. Aussitôt la fée lui met sur la bouche sa main blanche qu'elle s'empresse de fermer. « Je le tiens !» s'écrie-t-elle. À sa voix, le combat cesse. « Qui tenez-vous ? » répliquent les deux médecins. « Celui qui guérira Monsieur de Paille. »« Où est-il ? » La fée ouvre la main et montre un nain haut de 4 pouces. Ce nain a une figure réjouie. Son costume est celui d'un bouffon de cour. Posé sur la table, il brandit gaillardement une marotte proportionnée à sa taille, et tout le monde est pris d'un fou rire. « Mon ami, lui dit la fée, ce n'est pas ici qu'il faut te servir de ta marotte. Accompagné du docteur Onos et du docteur Anser, tu vas te rendre chez Monsieur de Paille, brave gentilhomme atteint d'hypocondrie. « Madame, répond le nain, rien ne me semble plus doux que de vous obéir. Je vous donne ma parole d'éclat de rire que Monsieur de Paille sera en pleine convalescence avant le coucher du soleil. » Ce nain est donc un éclat de rire. L'étoile filante se rapproche de terre et dépose Onos, Anser et l'éclat de rire à l'endroit où la fée Quintessence a rencontré les deux premiers. Comme ils traversaient un village situé sur les terres de Monsieur de Paille, Onos, Anser et l'éclat de rire aperçurent par la porte entr'ouverte d'une grange des gens qui écoutaient une sombre tragédie déclamée par des comédiens forains. Ils entrèrent dans la grange. Les femmes pleuraient, les hommes se mouchaient, les enfants tremblaient. À l'oreille de l'éclat de rire, Onos souffla ces mots. « Si vous avez un remède contre l'hypocondrie, il doit vous être facile d'égayer ces gens-là. » L'éclat de rire agita sa marotte. Alors les comédiens, sans transition aucune, remplacèrent les vers pompeux de la tragédie par les saillies, les bastonnades et les coups de pied d'une farce désopilante. Alors les spectateurs passèrent brusquement de l'émotion la plus poignante à la gaieté la plus expansive. « Vous voyez ce dont je suis capable ?» dit l'éclat de rire aux deux médecins. « Maintenant, allons trouver notre malade. » Chemin faisant, Onos prit à part son collègue. « Nous aurions tort de permettre à cet avorton de marcher sur nos brisées. »« Le présenter à Monsieur de Paille, » répondit Anser, « serait une formidable sottise. » S'étant arrangés pour entrer les premiers dans le château, ils refermèrent la porte sur eux et laissèrent dehors l'éclat de rire. Ce dernier tourna plusieurs fois de suite autour du château dans l'espoir de découvrir une issue. La nuit vint et l'infortuné éclat de rire manqua à la parole qu'il avait donnée à la fée Quintessence. Il s'étendit sous un églantier touffu et fleuri. Sur le point de s'endormir, il voit s'ouvrir une fenêtre du château. À cette fenêtre paraît une dame qu'il juge être Madame de Paille. Il ne se trompe pas. En regardant la lune, Madame de Paille songe à la maladie de son noble époux et ses yeux se remplissent de larmes. Une de ces larmes, entraînée par son poids, tombe devant l'éclat de rire. À peine a-t-elle touché le sol que, de goutte d'eau qu'elle était, elle se métamorphose en une mignonne naine haute de 3 pouces et demi. Elle a une figure mélancolique. Son costume est celui d'une naïade. La larme et l'éclat de rire s'examinèrent de la tête aux pieds. Ils se plurent. L'éclat de rire se cambra et dit « Serait-il indiscret, mademoiselle, de vous demander de quel côté vous comptez diriger vos pas ?» La larme baissa timidement les paupières et répondit « Monsieur, je vais chez mon frère. Daignerez-vous, mademoiselle, m'accorder la faveur de vous accompagner ? Avec plaisir, monsieur. » L'éclat de rire reprit la main de l'alarme et tous deux s'éloignèrent du château. Au bout d'une heure de marche environ, l'alarme dit à l'éclat de rire « Nous sommes arrivés ». Puis elle lui montra du doigt un monument en terre cuite qui avait la forme d'un vase étrusque. « Voici, ajouta-t-elle, la demeure de mon frère. Les antiquaires la décorent du nom d'urne lacrymatoire. » L'éclat de rire frissonna. Il ne voulut pas entrer dans l'urne, mais l'alarme lui assura qu'elle serait bien contente de le présenter à son frère. Il consentit à la suivre. Cette nuit-là, tous les parents de l'alarme s'étaient réunis dans l'urne. Leur taille variait entre 3 et 5 pouces. Ils avaient le teint blafard et les membres grêles. Les hommes portaient une tunique noire, les femmes une robe blanche. On embrassa l'alarme, on toisa l'éclat de rire avec méfiance. « Frère, dit l'alarme à un jeune homme qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, je te prie d'accueillir à ton foyer un aimable cavalier qui a veillé sur moi depuis l'œil de Madame Paille jusqu'ici. » S'adressant à l'éclat de rire, le frère s'exprima en ces termes. « Qui dois-je remercier de la sollicitude dont ma sœur a été l'objet ?» L'éclat de rire se fit connaître. Piqué par une mouche venimeuse, le frère et les parents n'auraient pas manifesté un plus grand effroi. « Nous vous punirons de votre audace !» s'écria le frère d'une voix menaçante. « Qui donc êtes-vous pour me parler de la sorte ?» répondit l'éclat de rire. « Je suis un pleur. » Et les parents d'ajouter les uns après les autres, « Je suis un soupir, je suis une consternation, je suis une souffrance, je suis un hoquet, je suis une complainte, je suis un sanglot, je suis un gémissement, je suis une jérémiade, je suis une désolation, je suis une tristesse, je suis une douleur, je suis un chagrin, je suis un désespoir, je suis une affliction, je suis un requiem. » L'éclat de rire comprit que sa place n'était pas dans l'urne. Cependant, l'amitié que lui avait inspirée l'alarme l'empêchait de battre en retraite. « Que ne vous servez-vous de votre marotte ? » dit tout bas à l'éclat de rire une dame qui avait gardé le silence. « Je n'y pensais pas, » répondit-il. « C'est à titre de cousine que je me permets de vous donner ce conseil. Je suis une grimace. » Après avoir baisé la main de sa cousine en signe de reconnaissance, l'éclat de rire agita sa marotte et les faces moroses du requiem, de l'affliction, du désespoir, du chagrin, de la douleur, de la tristesse, de la désolation, de la jérémiade, du gémissement, du sanglot, de la complainte, du hoquet, de la souffrance, de la consternation et du soupir, s'épanouirent. Cessant d'être mélancolique, l'alarme sourit à son ami. Le pleur pressa tendrement l'éclat de rire sur sa poitrine. « Oh, ne nous quittez pas, lui dit-il, soyez de la famille, épousez l'alarme. » « Monsieur, répondit l'éclat de rire, faire de votre charmante sœur la compagne de mes jours est mon vœu le plus ardent. Mais avant de me marier, il me faut accomplir un devoir. J'ai juré à la fée Quintessence que je guérirais Monsieur de Paille. « Cruel, murmura l'alarme, vous voulez m'abandonner. Les noces célébrées, dit la grimace, vous aurez bien le temps de guérir Monsieur de Paille. » L'éclat de rire dut céder. Quand minuit eut sonné successivement à toutes les horloges de Bayeux, la fée Quintessence, dont l'étoile filante faisait des zigzags au-dessus de la ville et de ses environs, s'élança hors de son palais. Grâce à ses grandes ailes de libellule, elle franchit rapidement la distance qui la séparait du château de Monsieur de Paille. Comme elle y entrait, les deux médecins en sortaient. Elle leur demanda si Monsieur de Paille était guéri. Ils lui répondirent que non. « Il n'a donc pas reçu la visite de l'éclat de rire ?» dit-elle. « Je ne crois pas, » répliqua Onos. « Pourquoi ? Je l'ignore, » répliqua Anser. « Vous mentez !» s'écria la fée. Et, joignant le geste à la parole, elle souffleta les deux médecins. Ces soufflets transformèrent Tonos en âne et en cerf en noix. Les deux bêtes avouèrent que l'éclat de rire n'avait pu pénétrer dans le château. La fée abandonna l'âne et l'oie pour se mettre à sa recherche. Passant sous la fenêtre par laquelle, on s'en souvient, Madame de Paille regardait la lune, elle sentit une goutte d'eau tomber sur le bout de son nez. « Le temps se gâte, » pensa-t-elle. Elle leva les yeux. C'était Madame de Paille qui continuait à pleurer. La fée devina qu'une larme avait entraîné l'éclat de rire. Sur le sol, elle aperçut les traces de 4 petits pieds qu'elle suivit et qui la menèrent jusqu'à l'urne lacrymatoire. L'éclat de rire et la larme allaient signer leur contrat de mariage. D'une chiquenaude, la fée renversa l'urne et fit culbuter les futurs conjoints, le soupir qui remplissait les fonctions de notaire, les témoins et toute la famille. « C'est donc ainsi, dit-elle à l'éclat de rire, que tu tiens tes serments ?»« Madame, s'écria la larme, ne grondez pas mon fiancé, je suis la seule coupable. » « Votre fiancé, lui répondit la fée, vous ne parlez pas sérieusement, une larme ne peut épouser un éclat de rire. » Puis elle prit dans sa main celui qui devait guérir Monsieur de Paille et s'envola vers le château. Pendant ce temps, Onos, changé en âne, et Anser, changé en noix, cheminaient tristement côte à côte. Bien qu'ils n'eussent pas reçu, lorsqu'ils étaient hommes, la beauté en partage, ils regrettaient leur forme première et déploraient l'un d'être forcé de marcher à 4 pattes, l'autre d'avoir des plumes sur le corps. Ils n'osaient pas rentrer chez eux. Ils s'arrêtèrent dans une forêt et s'endormirent. Onos rêva d'un bât, Anser rêva d'une broche. À leur réveil, ils se virent entourés d'individus dont l'aspect farouche, les armes nombreuses et les guenilles ne présageaient rien de bon. L'un d'eux tenait Onos par la crinière, Anser par le cou. Il disait à ses compagnons « Je suis fatigué, cet âne me portera. J'ai faim, cet oie me nourrira. Sachez, mes braves, que la Providence n'oublie jamais le capitaine Boutoir. » Onos et Anser tressaillirent. Ce nom de Boutoir appartenait à un chef de brigands qui, sans vergogne, détroussait les voyageurs et qui, au besoin, les faisait passer de vie à trépas. Pour Onos, porter ce misérable, c'était la honte. Pour Anser, le nourrir, c'était la mort. La fée, par bonheur, ne leur avait pas enlevé l'usage de la parole. Ils s'empressèrent de décliner leurs noms et qualités. « Puisque vous exercez la médecine, leur dit Boutoir, vous avez des clients. »« Certes, lui fut-il répondu, et Monsieur de Paille est du nombre. »« Eh bien, si vous m'aidez à le dépouiller de ses richesses, vous aurez, vous l'âne, la liberté, vous l'oie, la vie sauve. » Ayant accepté avec empressement les conditions qu'on leur posait, Onos et Anser conduisirent les brigands au château. Quand ils arrivèrent, tout le monde était levé. Tandis que les chevaux sellés hennissaient et que les chiens tenus en laisse aboyaient, les valets bavardaient. La fée Quintessence, se disait-il, vient d'amener un docteur qui est plus savant que gros et qui tout de suite a guéri notre maître de son hypocondrie. Vive la fée Quintessence, vive le petit docteur, vive notre maître. Onos, Anser et les brigands, qui se dissimulaient derrière un fourré, virent paraître Monsieur et Madame de Paille, la fée et l'éclat de rire. Les 3 premiers montèrent sur de superbes chevaux. Le dernier enfourcha une petite levrette. Monsieur de Paille avait retrouvé son ancienne gaieté grâce à l'éclat de rire. Aussi voulait-il de nouveau partager les plaisirs dont la bonne nature comble les gentilshommes campagnards. Or, le plus vif de tous ces plaisirs consiste à tuer d'innocents animaux. C'est pourquoi M. de Paille se disposait à court un cerf dix corps. Madame de Paille, la fée et l'éclat de rire devaient suivre la chasse. Mais la petite levrette, qui était fringante, prit le mort aux dents. Afin de la dompter, son cavalier se servit de sa marotte en guise de cravache, et personne ne put contenir son envie de rire. En riant, Boutoire donne le signal de l'attaque. En riant, ses hommes se montrent et dirigent leurs mousquets vers les chasseurs. En riant, Onos et Anserre se mettent à l'abri derrière un tronc d'arbre. En riant, les valets tremblent d'effroi. En riant, monsieur et madame de Paille se disent « Nous sommes perdus !» En ce moment, l'alarme se présente dans l'espérance de revoir une dernière fois son cher éclat de rire. Dès qu'il l'aperçoit, celui-ci perd la tête, lâche les étriers et tombe sur le gazon. L'alarme pousse un cri déchirant et personne ne peut contenir son envie de pleurer. Afin de s'essuyer les yeux, les brigands jettent leurs armes à terre. En riant et en pleurant, les valets s'en emparent. En riant et en pleurant, le capitaine Boutoir s'enfuit. En riant et en pleurant, ses hommes l'imitent. En riant et en pleurant, Onos se précipite dans l'étable et en serre dans la basse-cour. Nous les y laisserons. En riant et en pleurant, monsieur et madame de Paille se disent « Nous sommes sauvés !» Et la fée Quintessence, considérant qu'ils ne doivent leur salut qu'à l'alarme, permet aux fiancés de s'épouser. Depuis ce jour, chaque fois que l'éclat de rire agite sa marotte un peu trop violemment, l'alarme accourt pour tempérer les effets que son mari produit sur l'espèce humaine.